Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou dans tes oreilles. Cette semaine, au Mathieu Plante Show. Dans Television, le trône de fer s'arrêtera après la 7e saison. Est-ce que je peux suggérer une émission dérivée avec juste Emilia Clarke? C'est tout ce dont j'ai besoin. Dans le segment Geek Scénic, ce détecteur d'humeur pour calmer les conducteurs au volant. Je préférais un détecteur de conducteurs parce que c'est eux qui me donnent mauvaise humeur. Tout ça, en plus, c'est de Fête et Condition et de la geekette en devenir. Le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante commence tout de suite. Et voici celui qui change d'humeur comme il change ses gadgets, Mathieu Plante. Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle Peter Dinklage et comme toujours, j'ai besoin de quelqu'un avec qui parler. Alors j'accueille ma co-animatrice célèbre, Marie-Ève Picard. Hein? Ah, je suis célèbre? Dorénavant célèbre. Woo! Je dirais qu'après 33 émissions, c'est là que... qui est rendu là. Ah, big okay. Shot! Big ah. Shot! Tu passes plus la porte! Uh-oh! Donc bonjour à toi, Marie-Ève. Tu vas nous faire la geekette en devenir d'ici la fin de l'émission? Ben oui, certainement. Comme tu le fais toujours, des choses de chat et de princesse. Ah oui, ça, c'est. Ouais. Des choses de fille. T'écoutes bien. J'essaie en tout cas. De plus en plus, j'essaie de m'améliorer en écoutant tout le monde qui me parle. Donc plus tard, on devrait pouvoir faire, je vais être bien honnête avec vous en ce début d'émission, c'est pas nouveau, je le dis souvent en début d'émission, Internet ne fonctionne juste pas en studio en ce moment. Donc j'ai même pas ma musique chiptune pour vous commencer ça, mais une chance que je suis je prévois les choses prévoyant. À l'avance. Prévoyant, c'est ça. Pew. Merci. Hein? On va pouvoir parler de on va pouvoir corriger nos erreurs tout le long de l'émission parce qu'on n'a rien de mieux à faire. Ben oui. Non, j'ai gardé les chansons de chiptune depuis le début. Donc, je vais retourner en arrière. Je vais vous jouer quelques bonnes chansons de ma sélection personnelle. Oui. Donc, plus tard. Si tout va bien, on devrait pouvoir faire CNX, Television, dans quelques instants. Sinon, ben, carrément, on fera d'autres choses. Hein. On va commencer, comme je le disais, en chiptune. On va entendre une pièce. Et là, vraiment, tu sais, vous savez, à chaque semaine, je passe beaucoup trop de temps à choisir du chiptune. Trois pièces, les meilleures de la semaine. Oui, ça, c'est vrai. C'est pas tellement drôle à écouter ça le mardi soir. J'imagine que non. Mais donc, ce que ça veut dire, c'est que je peux aller dans n'importe quelle semaine et choisir n'importe quelle chanson. Et en théorie, étant donné que je les ai choisies à l'avance, elles vont être bonnes, tu sais. Ah oui, vas-y au hasard. C'est quand même pas pire. Ferme tes yeux. Donc, je vais y aller avec. De la semaine du 15 janvier 2014. Allons entendre Save States, Congrats Your Old Hat tout de suite au Mathieu Plante Show sur C'est Fou 89 FM. Je m'en rappelle. Elle est bonne. Je la connais pas par cœur. Ah, c'est beau. Ah, je suis bien tombé, Marie-Ève. J'adore cette pièce-là. C'est Safe States avec Congrats Your Old Hat. C'est vrai qu'elle était quand même bonne. Je l'adore. Maintenant, ben tiens, on y va avec Television, Television. Oui! C'est Television, Television, et on commence au Québec, comme on le fait toujours, avec Martin Matt. Rarement approchons-nous des sujets aussi populaires que les beaux malaises, mais c'est pour une bonne cause, parce que le succès, dans les codes d'écoute, évidemment, des beaux malaises, pourrait séduire aussi les diffuseurs étrangers et autres curieux qui se pointeront au festival Série Mania de Paris, dont la 5e édition se déroule du 22 au 30 avril. La série mettant en vedette Martin Matt, Julie Le Breton, Patrice Robitaille, Martin Perizzolo et Michel Deslauriers est en effet sélectionnée en compétition officielle de Série Mania, en plus de figurer dans son volet vitrine internationale. Ainsi, l'épisode La notoriété des beaux malaises sera projeté dans la section Marathon Comédie afin de donner un aperçu de cette production d'Encore Télévision et de Matt TV. Les deux boîtes de production souhaitent que le festival serve de rampe de lancement à la série ou au format ailleurs dans le monde. Un peu comme des séries comme Mes parents ont été exportées récemment. Cette année, Série Mania proposera une quarantaine de productions du monde entier, lesquelles se mesureront afin d'obtenir le prix du public. On souhaite bonne chance, évidemment, aux beaux malaises. Ben oui. Une série québécoise, tu sais, de qualité, même si c'est sur un réseau qu'on aimerait mieux ne pas mentionner. On reste vraiment dans le grand public en ce moment. C'est parce qu'il se passe pas grand-chose au Québec, vous l'aurez compris. Mais Fabienne Larouche débranche Trauma, vous avez peut-être entendu parler. Malgré un renouvellement officialisé par Radio-Canada en début d'année, Fabienne Larouche a décidé elle-même de débrancher Trauma, qui devait pourtant reprendre les ondes en janvier 2015 pour une 6e saison. La 5e année du populaire thriller médical qui achève présentement son parcours sera donc la toute dernière. Elle dit avoir fait le tour of the Jordan. Le tour du Jordan. C'est ce qu'elle confirme. La mauvaise nouvelle a été communiquée au réalisateur François Gingras ainsi qu'à tous les comédiens de la télésérie qui s'attendaient à tourner cet été. La direction de Radio-Canada a été étonnée de ce changement de programme car la fabrication d'un 6e chapitre de Trauma semblait acquise, la reconduite ayant été annoncée par la direction de la Société d'État récemment. En incluant les enregistrements, Trauma se maintient cet hiver au-dessus du million avec sa moyenne de 1,065,000 accros. Il reste donc 3 épisodes pour faire le deuil et Trauma, c'est confirmé, va se conclure sur une fin bouclée et non avec une intrigue non résolue. C'est ce qu'a affirmé Fabienne Larouche. Donc, il n'y aura pas de fin en suspens, comme certains le croyaient. Finalement, il va y avoir une fin. Elle aurait dû, tu sais, tout d'un coup, que, mettons, dans 2 ans, là, elle aurait voulu, mettons, revenir. Ben, ça pourrait arriver, mais en même temps, cette dame-là a tellement d'idées que je pense pas qu'elle va revenir sur des vieilles affaires, je sais pas. Ouais, mais c'est, tu sais... Elle tourne la page c'est... assez rapidement. Ouais, c'est sûr que tu sais, si elle se dit, ah oh non, je suis un peu tannée de faire celle-là. Si elle trouve qu'elle a plus d'histoire à raconter avec ces personnages-là. C'est là que c'est dangereux, ouais. Hein, parce que c'est là qu'ils disent qu'ils font n'importe quoi, puis ça devient plate. Les séries qu'on dit, il aurait dû se terminer 2-3 ans avant, ouais. Ça, c'est jamais le fun. T'es mieux de terminer à ton heure de gloire que de continuer dans le même chemin. Ah, ben bravo. Ouais, maintenant, la nouvelle copine télé des non-voyants se nommera Ami TV. Vous avez peut-être déjà regardé la version anglophone de AMI, Ami TV. La principale source d'information et de divertissement des non-voyants est à la télévision. Pas pour rien que plusieurs séries sont maintenant accompagnées de vidéos description. Vous l'avez entendu, vous avez regardé des émissions qui commencent avec des acteurs qui parlent et par-dessus, t'as une maudite voix off qui dit « Cette émission est présentée en vidéo description. Peux-tu me dire qu'il y a un silence, s'il te plaît? Peux-tu me dire avant, pas par-dessus mon dialogue, s'il te plaît? » Ouais, c'est ça. Mais bon. Bref, anecdote personnelle ici. Il reste que c'est encore trop peu pour un large bassin de la population, la vidéo description ici. Les choses vont changer en janvier 2015 avec l'arrivée d'une chaîne en français entièrement adaptée aux téléspectateurs aveugles ou ayant une vision partielle. AMI, qui administre déjà une chaîne, comme on l'avait dit, en anglais au Canada, est allé chercher un pro de la télévision, Philippe Lapointe, pour piloter l'équivalent francophone qui va être imposé sur le service de base de tous les fournisseurs au pays, comme AMI. Monsieur Lapointe, qui dirigeait la filiale télé de TC Media avant sa dissolution en novembre, a passé une bonne partie de sa carrière au vrai réseau. Il a été vice-président à la programmation et à l'information. Mais bon, ça lui enlève rien. Peut-être un peu. Après avoir vécu les guerres d'Empire, il a choisi cette fois-ci de se consacrer à une œuvre sociale. Donc, lui, il a vécu chez le vrai réseau pendant un bout de temps. Il s'est dit « Je veux plus rien savoir de ça ». Donc, a émis cet abus non lucratif et ça change de l'énergie des médias traditionnels, dit-il. Donc, il dit, le vice-président de la programmation et production d'AMI français, qui va avoir une toute petite équipe, au maximum 4 ou 5 personnes, dans de nouveaux bureaux à Montréal. À ses débuts, AMI va proposer essentiellement les acquisitions étrangères, des films, mais aussi des émissions québécoises avec vidéo description, mais sans publicité. Il est prévu qu'on produise par la suite des émissions originales spécialement destinées pour un public malvoyant. Philippe Lapointe souhaite conclure des partenariats avec les diffuseurs et offrir des émissions d'information. Donc, très, très noble tout ça. L'article de la presse.ca nous dit « Vous vous sentez pas concerné? Sachez que dans 10 ans, avec le vieillissement de la population, 30% d'entre nous vivront avec un handicap visuel. » AMI pour Accessible Media Inc. est basé à Toronto. Il fait travailler 130 employés. Pour vous donner une idée, donc allez voir la chaîne anglophone qui diffuse tout plein d'émissions américaines comme CSI New York, All in the Family, tout ça avec vidéo description. Bell, c'est au 48, chez Cogeco au 66. Voilà. Et AMI. Tu connais Kenny vs. Penny? Ah, ben oui, certain. On adore leurs aventures. Il y avait une version québécoise. Ah, oui. Gontran et Serge. Martin et Rénal. Je me rappelle pas du tout. Ouais, eux autres, là. Ouais. Serge et Ferdoche. Bref. Donc, une nouvelle saison de Kenny vs. Penny qui s'en vient sur Netflix. Apparemment. Mais en fait, on aimerait ça. Mais là, ça fait comme genre pas super tellement longtemps que c'est fini, ça? Ben, ça fait pas si longtemps que ça. Donc, Kenny vs. Penny, vous savez, c'est l'émission de cascade, si on veut. On se demande, bon, qui peut durer le plus longtemps sans utiliser la salle de bain, qui peut vivre dans son camion le plus longtemps. C'est des petits défis comme ça. Ouais. Au Québec, c'est des défis vraiment de base, alors qu'au Canada anglais, ça pouvait être pas mal plus trash. Ah, vraiment? Et pas mal meilleur à écouter, tu sais. Ouais, effectivement. Mais bon. Donc, c'était vraiment super drôle. On adore ça. Ça joue encore sur la chaîne Byte en ce moment au Canada anglais. Donc, Kenny Hutz et Spencer Rice. Disons qu'ils argumentent en leur faveur via Netflix Canada. Ils veulent que Netflix achète l'émission. Inspiré par les Trailer Park Boys qui viennent de revenir pour une 8e saison sur Netflix alors qu'ils avaient été hors ronde pendant un bon bout de temps, mais l'émission avait quand même un gros succès. Donc Hutz et Rice essaient vraiment de revenir. Ils sont hors ronde depuis 2010. Donc ils ont quand même beaucoup de succès parce que leur hashtag Bring Back KVS a des milliers de fans. Donc ça se pourrait très bien que ça revienne. On est vraiment sur le bord d'une saison 7 pour Kenny vs. Penny. J'encourage vraiment ça. Je vous encourage à aller hashtaguer ça sur le mot-clic de Twitter on the side. Cool. Ouais. Hey, c'est une bonne nouvelle, ça. Vraiment, ça risque de fonctionner. Kenny vs. Penny, c'est quand même un gros succès. Ah, c'est drôle, là. Ils ont eu leur chance aux États-Unis. Ça n'a pas si bien fonctionné que ça, mais au Canada anglais, c'est quand même très populaire. Ouais, c'est ça. Maintenant, une émission qui quitte les ondes, c'est le Trône de Fer, Game of Thrones. Les producteurs de la série donc ont confirmé qu'elle s'arrêtera après la 7e saison. L'adaptation du livre de George R.R. Martin en est à sa 4e saison et les créateurs David Benioff et Dan Weiss ont révélé que l'histoire actuelle sera importante pour la fin de la série. Évidemment, aucune façon de révéler des spoilers. De toute façon, je ne l'ai pas vu. On dit 7 dieux, 7 royaumes, 7 saisons, c'est terminé. On sait que ce qu'on a vu récemment sur Internet, c'est que l'auteur George R.R. Martin donnait des indices sur les prochains livres qui s'en venaient aux créateurs de la série, parce que la série et le livre vont très bientôt se rattraper dans le timing, la chronologie de l'histoire. De savoir que ça se termine là, au moins, il va y avoir une boucle, ça va pouvoir terminer avec le dernier livre que George R.R. Martin est en train d'écrire en ce moment, j'imagine. Donc, bref... C'est cool quand même! Bonne nouvelle pour l'histoire, mauvaise nouvelle pour les fans. Ouais, c'est ça, dans ce sens-là, là, mais ouais. Ouais, c'est malheureux, mais bon, au moins, si la série se boucle, on va pouvoir finir par la regarder, t'sais. Bah oui. On aime ça quand les séries sont terminées avant de les écouter. Bien sûr. Et finalement, P. Diddy veut acheter une chaîne de télé américaine. Vous connaissez la personnalité P. Diddy. Selon les rumeurs, Sean P. Diddy Combs aurait fait une offre de 200 millions de dollars pour la chaîne télévisée américaine câblée Fuse. Les éditeurs de Bloomberg affirment que le rappeur aimerait ajouter la chaîne à son empire médiatique. Fuse, qui est présentement un équivalent plus alternatif de MTV, donc une chaîne qui passe de la musique, des concerts, du divertissement pour les 18-34 ans. P. Diddy serait l'un des acheteurs potentiels de la chaîne. Et P. Diddy, qui possède déjà la chaîne Revolt TV, en fait, qui vient toujours de être lancé à l'automne dernier, ainsi que de nombreuses autres sociétés. Donc, on va voir si ça fonctionne. Probablement un changement de nom, probablement un changement de vocation. Donc, bon. Fuse, peut-être feu Fuse. Mettre le feu sur la Fuse, hein, comme on dit. Non, on dit pas ça. Mais c'est beau la vie, hein? Payer 200 millions pour avoir une chaîne de TV. Une de plus, une de moins. Revolt Fuse, ah oui, donc Scooby-Doo. Peu importe. Ah ouais, tu y penses-tu? Mathieu plante dessus. Ouais, 200 millions. C'est du petit change pour notre ami P. Diddy. Hey! Voilà pour Television. Tout à l'heure, c'est un fait Egalation s'en vient. Célix aussi et plus tard, la Geekette en devenir. Avant ça, par contre, on y va avec une autre chanson de Chiptune. Et celle-ci, elle est toute neuve. C'est par Brink. Voici Broken Dreams, entre parenthèses, 1 bit MPS. Le Mathieu plante show, assez fou. We'll be right back. C'était Brink et Broken Dreams, entre parenthèses, One Bit. Les liens, évidemment, de la musique chiptune d'aujourd'hui sur assemblagerequis.com. Maintenant, on enchaîne avec C'est un fait Tech Edition. C'est un fait, Tech Edition, la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Évidemment, tout à fait véridique dans tous les cas. Tout est vrai. Les liens sur le site, bien sûr, pour ceux qui veulent les sources. Commençons en jeu vidéo, comme on aime le faire, en fait, comme on l'a pas fait depuis, genre, l'épisode 2. Fait, mettons comme on le fait maintenant, dorénavant, OK? OK, c'est bon. C'est bon? J'avoue que on vivait dans une autre sorte de chronique il y a quelques semaines. Donc, on parle de Tetris 64 sur la Nintendo 64. C'est une exclusivité japonaise, Tetris 64, qui venait avec un sensor, donc un senseur bio, okay, périphérique, donc produit par CETA, qui s'attachait au lobe d'oreille. D'accord? Donc, dans le mode bio Tetris, le rythme des blocs qui descendaient à l'écran accélérait ou décélérait, dépendant de ton battement de cœur. Mmh. Imagine jouer à Tetris et être stressé, ouais. Et ça va plus vite parce que t'es stressé, mais ça te stresse encore plus. Non, je suis pas sûr de vouloir jouer à ça. Ah, mais c'est quand même cool. Ça a l'air vraiment intriguant. J'aimerais pouvoir utiliser ça. Mais ouais. Évidemment, si tu cherches le sensor sur eBay, ça doit valoir assez cher. Ah oui, probablement. Article de collection. Dans la version espagnole du jeu Oblivion, l'équipe de traduction a mal analysé le verbe to train. To train, ça veut dire entraîner. Okay? Ouais. Ils l'ont confondu, confus avec le mot train comme le nom commun. Train. Donc, il y a tout plein de phrases incohérentes par rapport par les experts de combat par rapport au train dans le jeu. Ben non! Comment tu fais pour ne pas te rendre compte de ça? Ben là, il me semble que c'est évident. Il y a un blog qui s'appelle Les sous-titres de la honte que je suis en ce moment et qui fait la même chose, mais pour les émissions de télé où il y a des sous-titres dans les versions françaises qui n'ont juste aucun sens. Là. Oh. C'est savoureux, les sous-titres de la honte, allez voir ça. Cool! Ensuite, dans le jeu Beatles Rock Band, avant de démarrer une chanson, dans n'importe quelle chanson, tableau si on veut, il y a des portions studio stage, bref, dans les Beatles Rock Band, les voix des Beatles qui se pratiquent et qui parlent les uns avec les autres peuvent être entendues dans ces chansons-là au début. Et c'est vraiment des vrais enregistrements du groupe qui n'avaient jamais été entendus par le public avant. Dans le jeu Beatles Rock Band, de surveiller ça. Wow! La série Spyro, maintenant, c'est le petit genre de dinosaure dragon. C'est plus un dragon mauve. Au Japon, les deux premiers jeux venaient chacun avec un jeu spécial qui s'appelait... en fait, qui était pour la Pocket Station. Étant donné que la Pocket Station ne s'est jamais rendue à l'extérieur du Japon, c'est les deux seuls jeux de la série Spyro qui ne sont pas disponibles aux États-Unis ou en Amérique du Nord. Oh! Triste. Évidemment, on peut jouer avec des émulateurs à ces jeux-là. On parle de la console Master System. Maintenant, plusieurs jeux pour le Master System étaient inclus dans le BIOS, donc dans la mémoire de la console. On pouvait y accéder en faisant booter le système, donc démarrer le système sans cartouche à l'intérieur. Et certaines versions du Master System avaient plusieurs jeux. Au Brésil, entre autres, il y en avait 131 jeux. Donc, il y avait, entre autres, Sonic the Hedgehog, Alex Kidd in Miracle World, Missile Defense 3D, Safari Hunt, un paquet d'affaires comme ça, Hang On et Snail Maze. Donc, c'est le fun, t'as un bonus, t'allumes ta console, il n'y a rien dedans, et t'as l'accès à des jeux. C'est très, très bien. Excitebike 64 sur la Nintendo 64 maintenant. À l'intérieur du ROM, donc du fichier du jeu sur la cassette, il y a du texte qui est répété plusieurs fois, et le texte dit « S'il vous plaît, copiez pas ce jeu-là, ce serait pas correct. Hey! » Hey, et qu'est-ce que tu fais à regarder mon code alors que tu devrais surveiller ma shed? J'imagine que c'est un message inside de quelqu'un qui écrivait le jeu envers quelqu'un d'autre, donc qui était aussi dans l'équipe de production, donc qui dit hey, qu'est-ce que tu fais à regarder mon code? Là? T'es pas supposé surveiller mon hangar? C'est dommage drôle. Très drôle, c'est répété plusieurs centaines de fois. Dans Red Dead Redemption, maintenant, sur PlayStation 3 et Xbox 360, en Corée du Sud, étant donné qu'ils n'ont pas assez de budget ou de personnes pour traduire, faire le doublage, la traduction des jeux, des titres comme Red Dead Redemption et Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots viennent avec un guide, un livret qui traduit le script du jeu. Hein? Donc, t'achètes ta cassette avec un élastique. On voit sur la photo sur assemblagerequis.com, il y a un élastique et il y a le petit guide, le livret. Très, quand même assez épais, peut-être la moitié ou même le tiers de la hauteur de la boîte du jeu. Et ça donne le texte dans l'ordre, comme t'es supposé rencontrer le texte. Ben, je sais pas comment tu fais, donc. Si mettons, il y a plusieurs options, s'il faut aller à un endroit ou à un autre, comment tu fais pour trouver, mais bon. Hein? Spécial, hein? Oui. Nintendogs, maintenant, pour la Nintendo DS. Il y a une version Wii qui a été considérée de Nintendogs, mais à l'ultime, on a décidé que la reconnaissance vocale qui était intégrée dans la Nintendo DS était trop importante pour l'expérience de Nintendo. Donc, on a dit, bon, la Wii n'a pas de microphone. Donc, le chien du joueur ne serait pas capable de répondre à ta voix. Donc, on a décidé de laisser faire ça. Apparemment, on a décidé que ça ne méritait pas la création d'un périphérique externe. Un petit peu similaire à celle de la Nintendo 64 qui s'appelait Voice Recognition Unit, qui était requise pour Hey You Pikachu. Par contre, plus tard, on a intégré un micro avec, dans le fond, le Wii Speak, le système Wii Speak, pour aller avec Animal Crossing City Folk en 2008. Donc, ça valait pas la peine pour Nintendo, mais pour Animal Crossing City Folk, ça valait la peine financièrement, j'imagine. En France, tiens, on passe à Mortal Kombat Deception pour la GameCube, PlayStation 2 et Xbox. En France, le jeu a dû être changé, de nom pour Mortal Kombat Mystification, parce que le mot Deception, en français, déception veut dire déception. Ouais. On le sait. Le mot déception veut dire déception. Tristesse. Je suis déçu. Donc, on a changé de nom pour Mortal Kombat Mystification. À la Nintendo 64, maintenant, dans Super Mario 64, l'idée de Mario en métal, comme on retrouve dans ce jeu-là, venait d'une entrevue avec Shigeru Miyamoto, publiée en 1991. Donc, on dit dans le Mario Mania Player's Guide de Nintendo Power, Miyamoto dit, je cite, « On ne sait pas encore de quoi Mario va avoir l'air dans le futur. Peut-être qu'il va être fait en métal. Peut-être qu'il va avoir des vêtements de métal. » C'est ce qui a mené à l'idée de Metal Mario dans Mario 64. Cool. On reste dans Mario, on va à Super Smash Bros., développé avec un très petit budget, Super Smash Bros. Au Nintendo 64. Très peu de publicité autour de ce jeu-là, et quand on l'a lancé au Japon, on pensait même que, enfin, c'était prévu qu'il allait seulement être une exclusivité au Japon. Et le jeu a eu tellement de succès que Nintendo l'a localisé pour les marchés internationaux, et maintenant c'est rendu une franchise à des millions de dollars. Tant mieux. On passe à New Super Mario Bros. Oui, Shigeru Miyamoto, le créateur de Mario, qui a considéré faire de Princess Peach un personnage jouable comme dans Super Mario Bros. 2. C'est ça, à la place d'être la demoiselle en détresse dans le New Super Mario, à la place, elle aurait été un personnage jouable avec lequel on peut jouer. Éventuellement, il a décidé de ne pas le faire parce que c'était difficile d'animer sa robe correctement. Donc, à la place, il y a eu dans ce jeu-là deux Toads. Il y avait un Toad avec un petit chapeau jaune puis un Toad avec un petit chapeau bleu, ce qu'on a tous trouvé bizarre à la sortie du jeu. Mais ils ont réussi évidemment à animer sa robe correctement pour Super Mario 3D World récemment, l'année passée. On reste dans Mario avec la série au complet. Maintenant, avant de devenir la voix de Mario, Charles Martinet était un acteur de pièces de Shakespeare. Il dit même avoir basé sa voix de Mario sur le personnage Grimio dans The Taming of the Shrew de Shakespeare. Et bon. Maintenant, Super Smash Bros. Melee, à l'arrière-plan de la salle des trophées où on peut voir les trophées. Il y a plusieurs consoles de Nintendo qui peuvent être qui sont visibles, en fait. La pièce a, entre autres, Nintendo 64 avec Smash Brothers, l'original, à l'intérieur. Il y a Nintendo Power avec Super Smash Brothers sur la couverture. Il y a une NES, une Super NES et plusieurs autres objets. Si tu changes le langage de l'anglais au japonais, tu vas découvrir que la NES et la Super NES deviennent une Famicom et une Super Famicom, donc les versions japonaises. Et en plus, il y a un Virtual Boy d'ajouter. Qui était peut-être plus un succès au Japon qu'aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, on a décidé de faire semblant que ça n'existe pas. Ah, ça, c'est fort. C'est pas très gentil pour la Virtual Boy, que j'ai jamais pu utiliser, malheureusement, mais que j'apprécie le concept du jeu en 3D avec les lunettes par-dessus la face. Oui. Mais bon, on parle maintenant de Donkey Kong 64. La seule raison pour laquelle le jeu avait besoin d'un expansion pack, c'est parce que ça contenait, le jeu contenait un bug qui faisait briser le jeu. Donc le jeu crachait, donc vraiment était victime de gros bugs dans la version 4 Meg. Mais quand on installait l'expansion pack dans la manette, non, c'est pas dans la manette, je crois que c'est dans la console directement qu'on l'ajoute l'expansion pack, mais bon, ça fonctionnait à merveille. Donc Rare a pas réussi à trouver la solution. Donc ils ont décidé de mettre l'expansion pack gratuitement avec le jeu, ce qui leur a coûté plein d'argent. Ils savent toujours pas ce qui a causé le bug. Ils n'ont pas trouvé. Toujours pas aujourd'hui. Hein? Bizarre. Hein? Ah, c'est quelque chose. On parle encore de Donkey Kong et en même temps, on parle un petit peu de la Virtual Boy dont on parlait tantôt. Avec le succès de Donkey Kong Country, Nintendo a donné à Rare, la compagnie qui a fabriqué les trois premiers Donkey Kong Country. Donc, ils leur ont donné la permission de faire une suite pour le Virtual Boy ou la Virtual Boy. C'est arrivé juste après le lancement de la Virtual Boy et c'était seulement au niveau de la planification. Quelques semaines plus tard, c'était annulé à cause des mauvaises ventes, évidemment, de la Virtual Boy jusqu'à ce que ce soit retiré du marché ensuite. Toujours dans Donkey Kong, le jeu à l'origine n'avait pas de mécanique pour sauter. Donc, on a amené les sauts plus tard pour éviter les obstacles lorsque Shigeru Miyamoto, créateur de Donkey Kong, et son équipe se sont dit « Si un baril arrivait vers toi, qu'est-ce que tu ferais? » À l'époque, il fallait juste descendre les petites échelles. Il n'y avait pas de technique de saut. Tu te rappelles, celui où les plateaux rouges sont placés croches et tu dois te rendre jusqu'en haut du tableau. Oh. Sauver la princesse Pauline. Donc, à l'époque, on ne sautait pas. Donc, je pense que l'idée du saut est une très, très bonne idée. Oui, très, très, très, très innovative. Le jeu est déjà assez compliqué de même. Imagine, tu jouerais ça aujourd'hui, pas de saut? Non, certainement pas. J'ai de la misère avec le saut. Diddy Kong Racing DS maintenant. Malgré le fait que Nintendo a toujours les droits du personnage de Tiny Kong, une des sœurs, en fait, dans le jeu Diddy Kong Racing DS, Rare a changé son look pour la version DS pour qu'elle ait l'air plus vieille. C'était pour que son modèle fonctionne avec le modèle du personnage de Banjo qu'elle a remplacé pour le remake, parce que dans la version à l'origine sur la Nintendo 64, c'était Banjo de la série Banjo et Kazooie qui était dans cette case-là. Ils l'ont remplacé par un modèle de Tiny Kong un petit peu plus grande, plus vieille, pour que sa hauteur et la détection des collisions se fasse mieux. Donc c'est bizarre parce que ça la rend plus grande que sa sœur qui est supposée être plus vieille, Dixie, mais en même temps, c'est pas parce que t'es plus vieille que t'es plus grande. Non, c'est bon. Ça. Bref, intéressant quand même. Justement, toujours dans Diddy Kong Racing DS, Dixie Kong et Tiny Kong ont remplacé Conker et Banjo dans la version Nintendo DS à cause de problèmes légaux. Parce que, comme on sait, Microsoft a racheté Rare en 2002. Donc, ils ne pouvaient plus se servir des personnages de Diddy Kong Racing sur Nintendo 64 qui étaient des personnages de Banjo-Kazooie. Donkey Kong Country maintenant sur la Super Nintendo et au Game Boy Advance. Donkey Kong Country est un jeu inhabituel parce que la version japonaise est plus facile que la version américaine et la version européenne pâle. D'habitude, c'est le contraire. La version américaine est plus facile. Ah, mais il y a plusieurs versions? Oui, c'est ça. Ben, les jeux sortent dans plusieurs pays et souvent, ils vont adapter les affaires. Non, malheureusement. Mais comment ça? Je comprends pas. Pourquoi? Ben, explique-moi ça. Ça dépend des... il y a plusieurs raisons qui peuvent changer ça. Mais ici, c'est que la version japonaise a plus de barils d'éca et moins d'ennemis. Souvent, les versions vont sortir avec un long délai entre les deux. Donc, des fois, ils vont faire des petites modifications. Ils vont se dire, bon, ce serait bien si on pouvait changer ça. Peut-être qu'il y avait une faute d'orthographe. Peut-être que, il y avait un bug qui te faisait mourir pour rien, des trucs comme ça. Et puis, tant qu'à faire, on pourrait aussi le rendre plus facile ou le rendre plus difficile parce que le public cible en a besoin. Par exemple, Mario Bros. 2 au Japon est devenu... ils ont complètement changé d'idée puis ils ont fait un autre jeu parce qu'ils trouvaient que le public américain n'était pas capable de jouer à un jeu aussi difficile. Ouais, mais c'est plate un peu, je trouve. Moi aussi, je trouve ça dommage. J'aimerais si c'était partout pareil. Si c'est difficile, ben, travaille plus fort, puis tu vas finir par l'avoir. Mais ouais. Je veux dire, c'est plate que ça soit pas le même partout. Au moins, de nos jours, on a l'accès à des émulateurs et on peut jouer à la version japonaise. Ouais. Alors que dans le temps, c'était tu prends ta version et tu fais ce que tu as à faire avec parce que tu n'auras rien d'autre. On parle de la Nintendo 64 maintenant, qui à l'origine s'appelait l'Ultra 64. C'était un hommage à plusieurs jeux qui étaient fabriqués à la fin des années 60, par exemple Ultra Hand. Konami, par contre, avait toujours la marque de commerce sur le nom Ultra Games, et donc Nintendo a dû changer le nom de l'Ultra 64 pour l'appeler Nintendo 64. La NES, maintenant, les premières copies, les premières productions de la Famicom, donc la version japonaise de la NES, avaient des manettes différentes. À l'origine, les manettes avaient des carrés de caoutchouc. Des carrés, en fait, de caoutchouc, c'est ça. Et on a plus tard changé ça pour faire des boutons de plastique rond. Dans la prochaine génération. Bref, à place d'être carré et caoutchouteuse, c'était rond et plastique. On disait que les boutons pouvaient facilement se briser quand ils étaient en caoutchouc. Toujours au sujet de la NES, qui avait une politique de licence assez sévère et stricte pour la NES pour encourager la qualité et non la quantité. Donc, en espérant éviter la même destinée qu'Atari au crash des jeux vidéo en 1983. Donc, les tierces parties n'avaient droit qu'à 5 titres par année qu'ils pouvaient produire pour la NES. Tous les titres devaient être regardés, vérifiés, critiqués par Nintendo avant de pouvoir avoir leur licence. Et la console avait un système pour barrer les jeux non autorisés. Donc, ceux qui n'avaient pas la petite puce brevetée de Nintendo. Donc, c'était justement pour que Nintendo puisse avoir le contrôle sur les jeux. Une combinaison donc de développeurs de tierce partie qui n'aimaient pas ça, des problèmes légaux, donc des poursuites et de la compétition de d'autres manufacturiers de consoles un peu comme Sega finalement, a mené à finalement relaxer ces politiques-là avec le temps. Maintenant, la Laser Active par Pioneer, qui était probablement la console de jeux vidéo la plus chère à son lancement. La console coûtait 1000$ au lancement et demandait plusieurs modules additionnels qui coûtaient 600$ de plus chaque pour jouer à certains types de jeux. Les jeux étaient sur des Laser Discs, donc un peu comme les films à l'époque. Pendant une certaine période, les Laser Discs existaient. C'est ça. Et les formats étaient nommés Mega LD, fabriqués par Sega, et les LD ROM 2 par NEC. Les modules fonctionnaient, étaient rétro-compatibles avec les jeux de Genesis et de Sega CD sur le module Sega, et les jeux de TurboGrafx-16 et le TurboGrafx-CD sur le module NEC. PlayStation 3, l'ancienne police, en fait, de la PlayStation 3, entre 2006 et 2009, si vous allez voir l'image de la photo sur assemblagerequipe.com, était exactement la même police que celle utilisée par la trilogie de Spider-Man de Sam Raimi entre 2002 et 2007. Exactement la même police. Maintenant, The Legend of Zelda A Link Between, il nous en reste seulement 3. Donc, sur la 3DS, pendant le Nintendo Direct du 1er octobre 2013, Iwata a mentionné que les fans voyaient une ressemblance physique entre une personne qui s'occupe, d'une boutique dans A Link Between Worlds, Legend of Zelda. C'était celui qui s'appelle Ravio. Il voyait une similarité, Encore, je devrais pas utiliser ce mot-là. À chaque fois, je me rappelle pas si c'est similarité ou similitude. Mais bon, une ressemblance entre Ravio... on n'en va pas dans le sujet. Donc, une ressemblance entre Ravio et Nabit du jeu New Super Mario Bros. U. Iwata explique que même si c'est pas le même personnage, étant donné que Mario et Zelda, les jeux sont développés sur le même étage chez Nintendo of Japan, donc les développeurs se sont peut-être inspirés l'un l'autre pour créer ces deux personnages-là de Ravio et Nabit. Intéressant quand même. Il y a une technologie qui est nommée Fade, créée par Codemasters. À la place d'empêcher le jeu d'être installé ou, d'être exécuté, lorsqu'il détecte le système que le jeu a été piraté, ça va graduellement changer le jeu. Genre modifier des affaires, ne pas te permettre de faire quelques trucs, jusqu'à temps que le jeu finalement soit complètement injouable. Fade a été utilisé pour la première fois dans Operation Flashpoint Cold War Crisis, développé par Bohemia Interactive, qui depuis ont créé leur propre version de Fade qui s'appelle Degrade, qu'ils ont utilisé dans des jeux comme Take On Helicopters. Donc tu joues, ça fonctionne très bien, plus tu avances, moins tu es capable de faire des choses, plus ça bug, jusqu'à temps que finalement ça soit juste pas jouable. D'accord. Moi je trouve ça très drôle. Ouais, c'est quand même drôle. En développant la PlayStation, Sony a utilisé environ, a testé 3 douzaines de logos différents avant de finalement choisir le logo de PlayStation. Vous connaissez, on les voit dans les publicités à la télé, c'est le P rouge avec un ombrage en forme de S jaune et vert, style, ça dit PlayStation. Donc, c'est à peu près ce que ça dit, mais avec une voix de fille. Donc, 3 douzaines de logos. La photo d'une bonne partie, 4, 8, 12, 16, 20 de ces logos-là, disponible sur assemblagerequipe.com dans les liens de C'est un fait, Take des chons. Voilà. PlayStation, Take des chons. Take des chons. Take des chons. PlayStation. Ouais. Hey, take des chons. Ah, c'est drôle quand tu le dis. Ouais. C'est tout pour C'est un fait, Take Edition. Au retour de la pause, il va nous rester encore CNX ainsi que la Geekette en devenir. Oui. C'est une très très bonne deuxième demi-heure qu'on vous réserve au Mathieu Plante Show. Alors, je vous suggérerais, moi, de rester à l'écoute. Ah, c'est une bonne suggestion, moi, je trouve. Suggestion. Suggestion. Suggestion. Suggestion. Vous êtes dans la zone 89.1. Si peu dans tes oreilles. C'est toujours le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Marie-Ève Picard est là, elle aussi. Bonjour. Bonjour. Bonjour. On est rendu au moment de se renseigner sur les nouvelles geeks de la semaine. Ah ben oui, il le faut. Ben oui, voici le but, hein, Geek CNX. C'est CNX, donc cool, nouveau, extrême, tout ce que vous voulez, c'est là-dedans, c'est le butin geek, CNX. Whoop, whoop! On commence avec un détecteur d'humeur pour calmer les conducteurs au volant. Ouh. Des chercheurs suisses de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne ont mis au point un système permettant de détecter l'humeur d'un conducteur au volant de sa voiture. Cette dernière serait en mesure d'influencer la conduite pour protéger le conducteur dans le cas où la situation l'exigerait. C'est sur ce point, oui, que travaillent des scientifiques de l'EPFL en collaboration avec des ingénieurs de PSA Peugeot Citroën, l'équipe qui a mis au point un système de reconnaissance faciale à infrarouge dans la voiture. Orienté d'une manière permettant de capter 7 expressions spécifiques, dont la colère et le dégoût. Un conducteur irrité ou agressif est, selon les chercheurs, un facteur à risque d'accident car il est moins attentif. En parvenant à capter un tel sentiment, le système intégré au véhicule peut faire réagir ce dernier en conséquence en limitant notamment sa vitesse ou en l'alertant de son énervement pour l'inciter à se calmer. Ben oui, tu sais, j'ai quelqu'un, moi, qui va me dire Hey, calme-toi, là. C'est ça. Voir que je vais me calmer, ça va encore... Avance, maudit marron! Veuillez vous calmer, madame. Ce serait vraiment drôle, hey, non? Penses-tu que je vais me calmer? Elle va se mettre à chialer contre encore son système. Encore plus, elle m'a l'envoyé à terre, mon système. Hey, un petit coup de poing. Les chercheurs admettent que capter à coup sûr le sentiment du conducteur n'est pas une chose facile, mais le prototype donne néanmoins des résultats prometteurs. PSA Peugeot Citroën n'a actuellement pas de plan précis concernant un tel système, mais le fait que l'entreprise travaille en étroite collaboration avec des chercheurs sur un tel système laisse penser que les véhicules pourraient en être dotés dans un avenir plus ou moins proche. Ouais, ben, à part, mettons, justement, là, te faire ralentir, là, qui te coupe ta vitesse, ouais. Là. Non, c'est ça. Il va falloir que ce soit quelque chose de mécanique, genre qui arrête ta voiture ou qui la fasse ralentir. Ce ne sera pas la parole qui va changer quelque chose. Non, c'est ça. Vraiment ben même là, je vais être encore plus en Moses parce que là, ça va me faire ralentir. Je vais me dire, bon, là, c'est ça, tu me meurs tard. C'est voué à l'échec. Ah, totalement. Surtout moi, là, je ne suis pas très patient. Rage au volant, c'est... Je ne suis pas très patient. Très patient. La raquette de tennis fait sa révolution électronique. Hein? Après le bois, l'aluminium et le graphite, la raquette de tennis passe au mode connecté, une version intelligente est déjà commercialisée aux États-Unis. À l'aide de capteurs situés à l'intérieur, l'intérieur de son manche, le produit identique à un modèle traditionnel fonctionne comme un robot, analysant la puissance de frappe, la zone d'impact, la balle de la balle sur le tamis, les types de coups réalisés, mais aussi les effets, le temps de jeu, la régularité et l'endurance. Donc, le patron de cette société, l'une des plus anciennes spécialisées dans le tennis, est persuadé que d'ici 10 ans, tous les modèles seront connectés. Tous les modèles. Le Babola Play est en fait la version évoluée d'un modèle déjà existant, celui utilisé par la vedette chinoise Lina. À terme, il est question d'équiper toute la gamme de la marque de ses petits gadgets. Seule différence visible avec le modèle traditionnel, c'est sa couleur et une diode bleue située à l'extrémité du manche qui clignote lorsqu'on l'allume. Rechargeable et compatible avec ordinateur, téléphone intelligent et autres tablettes via un câble USB ou en mode Bluetooth, elle fonctionne avec une application qui vous dira par exemple combien de balles vous avez frappé à plat, combien étaient liftées, slicées et autres termes français qui ont sûrement des versions françaises. Et les Français se servent des versions américaines. Le Babola Play a aussi une vocation sociale. Les joueurs ont la possibilité de comparer leur niveau en ligne et de se lancer des défis, donc des scoreboards, des tableaux de pointage. Intéressant. C'est vendu au tarif de 615$ environ, le double du modèle classique. La Babola Play ne devrait pas être très longtemps la seule connectée. La firme japonaise Sony a de son côté mis au point un capteur qui doit s'adapter sur tous les types de raquettes avec de premiers modèles lancés sur le marché japonais en principe courant mai via un partenariat avec le fabricant Yonex. Du 20 au 23 mars, à Delhi, en Inde, aura lieu une compétition singulière. Des entreprises et laboratoires du monde entier exposeront des prototypes de toilettes autonomes à l'invitation de la fondation Bill & Melinda Gates. Celle-ci a lancé en 2011 un concours visant à faire émerger des solutions écologiques indépendantes de tout réseau d'eau ou d'électricité revenant à moins de 5 centimes par utilisateur et par jour. Ces toilettes sont destinées aux milliards de personnes qui défèquent en plein air et aux milliards et demi de supplémentaires qui ont accès à des sanitaires indignes de ce nom, y compris en ville. Cette situation est responsable de contamination des eaux qui tue chaque année 1,5 million d'enfants victimes de diarrhée. Parmi les prototypes en lice, à Delhi figure celui conçu par l'Institut suisse de recherche de l'eau EWAG et le bureau de design viennois EOOS qui vient de remporter le prix d'innovation décerné par International Water Association. Le Blue Diversion 2 permet la séparation de l'urine et des fesses, donc du caca. Elle vise à faciliter la dégradation, ouais, c'est dit comme ça, des pathogènes et à économiser l'eau. Explique un chercheur à EWAG. Pour ce faire, un système de recyclage de l'urine a été imaginé. L'un des enjeux est de tirer de celle-ci des engrais, donc des nitrates et des phosphates, dont la vente rentrerait dans le modèle d'affaires de la diffusion de ces toilettes. L'idée est d'atteindre un prix de revient de 500$ et de proposer une location aux familles par l'intermédiaire d'un réseau de franchisés qui assure la transformation des sous-produits. Un test va être lancé au Kenya dans une famille comprenant 3 générations. Les détails sur assemblagerequis.com. C'est une très, très bonne nouvelle. À partir de cet été, la municipalité de Londres va tester un nouveau système de passage piéton intelligent qui se serviront de caméras pour déterminer combien de personnes attendent pour traverser afin de s'adapter à la durée du petit bonhomme vert en conséquence. Ah, c'est ouais, bon ça! Enfin! Oui! L'idée de sécuriser et de fluidifier le trafic piétonnier sur les artères les plus fréquentées de la capitale britannique. Donc, une méthode que la ville de Londres s'apprête à tester. À partir de l'été prochain, les passages piétons intelligents vont être déployés à la sortie de 2 stations de métro, Tooting Beck et Balham, afin de décongestionner les trottoirs aux alentours. C'est la régie Transport for London qui est à l'initiative du projet baptisé Pedestrian Spit Cycle Offset Optimization Technique, ou le SCOOT. Ce projet est une extension du système SCOOT pour les véhicules déjà en service sur 3000 intersections londoniennes. Des capteurs surveillent le flux d'automobiles qui est analysé par un système d'informatique qui adapte le déclenchement des feux de circulation afin de rendre le trafic plus fluide. Scoot pour piétons va faire en sorte de permettre à un maximum de personnes de traverser le passage protégé tout en assurant une circulation routière la plus fluide possible. Donc, le dispositif repose sur le système d'analyse décrit, comme on l'a dit tout à l'heure, auquel sont adjointes des caméras qui comptent le nombre de personnes présentes dans un périmètre virtuel limité au bord du passage piéton. Si un grand nombre de personnes est détecté dans cette zone, Scoot ajuste la durée du feu vert pour les piétons afin d'en faire circuler le plus possible. Tous ces projets-là donc s'inscrivent dans le cadre d'un plan baptisé Safe Streets for London qui comporte 6 engagements. L'un d'eux fixe comme objectif de réduire de 40% le nombre de personnes blessées ou tuées dans les rues de Londres d'ici 2020. Et pour y parvenir, le budget consacré au réseau routier londonien va être doublé sur les 10 années à venir. Magnifique. Eh ben. Facebook pourrait bientôt être en mesure de mieux identifier les visages par une nouvelle technologie, donc Deepface. Lorsqu'on demande à un être humain de reconnaître le visage d'un inconnu sur plus d'une photo, celui-ci atteint un taux d'efficacité de 97,53%. De son côté, Deepface, un logiciel développé par des chercheurs de Facebook, peut relever le même défi avec un taux d'efficacité de 97,25%. Donc 97,53 versus 97,25. Et ce, peu importe le niveau d'éclairage de la photo ou si le visage de la personne à identifier fait face à la caméra. Donc, c'est ce que nous apprend le résumé de la recherche intitulée « Deep Face Closing the Gap to Human Level Performance in Face Verification » publié par Facebook. Cette percée s'inscrit dans une nouvelle tendance en matière d'intelligence artificielle nommée le « Deep Learning » sur laquelle Facebook et ses concurrents misent énormément depuis quelques années. En simulant des réseaux de neurones, ce type de logiciel apprend à reconnaître les motifs complexes affichés par une vaste quantité de données. Afin d'entraîner le logiciel, l'équipe a utilisé 4 millions de photos tirées des profils de près de 4000 utilisateurs Facebook. Le secret de l'efficacité du logiciel conçu par Marc Aurelio Rezento, Ming Yan et Yaniv Taigman se situe dans son approche. Pour aller au-delà des limites des logiciels de vérification faciale, les chercheurs ont eu l'idée d'y inclure un algorithme permettant de construire un modèle 3D d'un visage à partir d'une photo pour ensuite le faire pivoter afin de permettre une correspondance sous différents angles. En théorie, Facebook pourrait intégrer cette technologie à son réseau social permettant ainsi d'automatiser le processus d'identification de ses membres sur une photo. L'équipe de recherche va présenter le fruit de son travail lors du Conference on Computer Vision and Pattern Recognition en juin prochain à Columbus, en Ohio. Mais donc, ça crée une modélisation 3D à partir de différentes photos pour pouvoir mieux te reconnaître dans d'autres photos. Oui, mais ça sert à quoi? Taguer. Ben oui, mais... Comme ça, tu vas reconnaître, tu vas avoir un petit pop-up qui va dire genre, telle personne a été taguée dans une photo alors que tu n'aurais pas pu le savoir parce que la photo n'était pas bien prise. Mais c'est parce que si je veux pas être taguée, je veux pas être taguée. Je veux pas, moi, qu'ils reconnaissent que c'est moi. Et on pourrait faire peut-être du stalking ou peut-être même chercher un criminel, mettons, sur Facebook. Quelqu'un verrait, puis, tu sais, oui, c'est bon, là, c'est cool, mais en même temps, tu sais. Ça a des répercussions. Ouais, je sais pas. Pas sûr. Ensuite de ça, je vous laisse quelques articles, évidemment, sur assemblagerequis.com. Entre autres, le fait qu'un article sur un séisme à Los Angeles a été écrit par un robot. Analysant les données, ça a écrit un article tout seul. Puis après ça, le journaliste a juste à faire genre publier. Oui. Ben voyons donc. C'est le fun à lire, donc allez voir ça. Et un sénateur qui veut bloquer. Ah, mais non, attends, lis-nous en extrait. C'est pour ça que je dis rien à l'épisode. OK, donc, séisme. Séisme au Japon. Donc, Ken Schwenke, journaliste et développeur au Los Angeles Times, a été réveillé en sursaut à 6h25 le 17 mars dernier, donc lundi, pour un tremblement de terre. Et il est sorti du lit. Il est allé directement à son ordinateur où l'attendait un court article déjà écrit sur le séisme. Il a jeté un coup d'œil au texte et appuyé sur le bouton publier. C'est comme ça que le Los Angeles Times a été le premier média de masse à publier un article là-dessus. Donc, même si l'article a été signé par Ken Schwenke, le véritable auteur est un algorithme nommé QuakeBot qu'il a développé il y a un peu plus de 2 ans. Dès qu'une alerte a été mise par le US Geological Survey à propos d'un tremblement de terre qui a dépassé un certain seuil, QuakeBot est programmé pour extraire les données pertinentes du rapport et les insérer dans un gabarit, donc un template préécrit. L'article est connecté au système informatique de gestion du contenu du LA Times où il attend d'être relu et publié par un éditeur humain. Ouais. Et après ça, l'article a été mis à jour 71 fois par des auteurs, des éditeurs humains, transformant le petit article en un article de fond qui a fait la une du journal. Intéressant. Oui, très. Ensuite, quel risque courez-vous lorsque vous gardez votre téléphone près de vous la nuit? C'est le dernier article qu'on va faire. J'imagine un grand risque. Un très grand risque. Selon l'Office fédéral de la communication, Ofcom, 8 personnes sur 10 gardent leur téléphone ouvert durant la nuit et plus d'une personne sur deux l'utilise également comme réveil matin. Un autre sondage proposé par le Huffington Post révèle que 63% des jeunes âgés de 18 à 29 ans dorment avec leur téléphone cellulaire, leur téléphone intelligent ou leur tablette dans leur lit. Il y a plusieurs bonnes raisons, selon les experts du sommeil, de laisser son portable au pied de sa chambre et de s'acheter un réel cadran. La première raison exprimée par les experts porte sur l'hypervigilance qui s'applique principalement aux personnes conservant leur téléphone ouvert durant la nuit, donc non pas en mode de ne pas déranger, c'est qu'ils sont toujours sur le qui-vive, mais ont tout le temps l'impression que quelqu'un va les appeler. Ouais, ok, ouais. Donc, ouais. Ça a du sens. Ça a du sens et ça dit que votre sommeil va être plus léger parce que vous êtes en train de stresser dans votre tête par rapport à ça inconsciemment. Mais le plus grand danger, c'est la lumière de votre téléphone. Pour ceux qui le laissent allumer avec le petit mode cadran dessus, là, tu peux voir les chiffres s'afficher. Il est branché dans le mur, donc ça prend pas de batterie. Et tu laisses ton écran allumé en permanence. Bon, donc c'est la lumière bleue qui est incluse dans l'appareil. Ça a un effet très stimulant sur le corps. Si exposé durant la nuit, fera augmenter votre rythme cardiaque, selon les experts. Selon certaines études, la lumière bleue pourrait même déclencher des effets similaires à ceux de la caféine. Ouais. Autre étude alarmante sur le sujet, le Journal Organizational Behavior and Human Decision Processes dévoilait quelques habitudes des travailleurs utilisant leur téléphone en soirée, plus précisément après 21h. Ceux qui utilisaient leur appareil après 7h dormaient durant moins d'heures. Leur manque de sommeil avait un impact négatif sur leur rendement au travail le jour suivant. Donc, n'allez pas sur votre téléphone après 9h. Ah! Eh ben. Ben, il y a plein de conseils pour toi là-dedans, Mathieu Plante. Ben oui, voir que je vais m'écouter, moi. Voir. Mais tu devrais, c'est toi, c'est ta chronique. J'aimerais ça, mais non, merci. Hey. Ben, ça se fait quasiment à pas, ça, hein? T'enlever ton téléphone à partir de 21h. Es-tu folle? C'est là que c'est mon prime time de téléphone. C'est entre 22h, entre 22h45 et 23h15. OK, je sais ce qu'on va faire. Okay. Alors, les auditeurs du Mathieu Plante Show, ce soir, à partir de 21h, je vais enlever le téléphone à mettre ses plantes et le mettre au pied du lit. Tu vas me l'enlever de mes mains froides après ma mort, comme dirait Charles Aston. Ouais. Et voir si t'es capable de durer une soirée jusqu'au lendemain matin. Non. Ouais. Une soirée, laquelle? Celle où je n'aurai pas ce besoin soir. De toute façon. Ce soir. Un jour où on va regarder la TV toute la soirée, puis je vais être trop fatigué pour aller dessus. Et juste pour clore le bloc scénique sur le bulletin geek, on a parlé la semaine passée d'un article par rapport au HTML et au fait que les gens pensaient que telle affaire était autre chose, genre que le HTML c'était une maladie transmissible sexuellement. Oui, tu te rappelles de cet article-là? Ah, oui, juste pour drôle, vous ça. Dire qu'ils ont cherché sur Mediaite.com et le fait est que cet article-là était rempli de trous et c'était absolument pas une étude valable et valide. Oh. Donc, juste retirer ça a mené l'émission, c'était le lead. Ben oui, c'était une blague drôle. En intro. Ben oui. C'est super drôle, mais c'est selon un site de coupons britannique et apparemment que rien de ce qu'ils disent est fiable. Donc, je voulais juste rectifier le tir. Voilà pour le bulletin geek CNX. Je pense qu'on devrait passer automatiquement comme ça. Brûle pour point. Geekette en devenir, qu'en dis-tu? Marie-Ève Picard. Je suis bien d'accord. Donc là, voici Marie-Ève Picard, la geekette en devenir. La geekette en devenir, qu'as-tu à nous offrir, toi qui as parcouru le web comme une vraie détective privée? Wow, détective privé. Une colombette. Ouh! Oh, Colombo, j'aime colombette. Ça, ouais, c'est pas pire. Une colombette. Nouveau une site. Colombette du net. La colombette du net. Une colombette est partie en voyage. Au net. Oui, c'est ça. Donc, de quoi nous parles-tu? J'aime ça. Cool. Alors, écoute, si tu m'écoutais bien dans mes chroniques précédentes... J'ai l'habitude de résumer les épisodes précédents. Disney, petit chat. Oui. Vie sexuelle et autres. Ça tourne pas mal autour de ça. Ouais. Écoute, on a déjà vu dans le passé des princesses de Disney transformées... Une fois en ou deux homme. Ou 30 fois. Oui, en homme, OK. Écoute donc. Je laisse pas finir tes phrases. Ouais. OK, en homme, peut-être 5-6 fois. Non, on a vu une fois, quand même. Des princesses transformées en hommes. Ce qu'elles auraient l'air en version homme. Masculine. Voilà. Mais là, si on faisait le contraire, des princes transformés en princesses. Ah, OK, c'est logique. Quand même. C'est logique. Qu'en dis-tu? J'aimerais beaucoup, beaucoup trop ça. Écoute, c'est quand même assez surprenant quand on regarde ça. Il y en a qui ferait des belles filles là-dedans, oui. C'est clair. Ouais. Il y en a qui ferait des belles filles, comme mettons Eric. Travail? Mais non. Eric, le prince, le fameux prince de ta belle Ariel. Ah oui! Regarde! J'y vais, là, j'y vais, je m'y rends. Quand même! Ah, Disney Princess as Women. OK, oui, OK. Je sais pas, on dirait qu'ils ont trop changé d'affaire parce qu'ils ont gardé les cheveux relativement parlant, ils ont gardé les yeux pas mal, mais ils ont changé son menton. Ben, un peu, là, mais tu sais... C'est une transformation quand même. Ouais, j'avoue. Ils ont plus l'air d'avoir un lien de parenté. Frère et sœur, plus non, qu'une version quand féminine. Quand même. Okay. Enfin. Mais j'apprécie quand même. Oui, mais c'est ça. Mais il y en a qui sont moins beaux, belles que d'autres. Là. Mais bon, c'est quand même... C'est drôle à regarder. Il y en a qui, même en version gars, ont l'air de filles de toute façon. Je sais pas, la ouais. Troisième. Oui, c'est ça. Et vice-versa. Vous n'avez pas les photos devant vous, mais allez voir sur assemblagerequis.com. Ben oui, tout à fait. Mm-hmm. Alors, restons dans les princesses de Disney que tu aimes, n'est-ce pas? Je les adore toutes. Si, mettons, on les mélangerait avec quelque chose que t'aimes pas, okay. Est-ce que tu penses que tu les aimerais encore? Ça dépend, 60-40, 70-30, 50-50, je sais pas. Ben là, ça, je peux pas vraiment te le dire, là, c'est difficile. Parle-moi, je te dirai à la fin. Écoute, si, mettons, on les met avec des... Rollerblade. Des rollerblades, j'aime pas le sport, c'est ça que tu veux dire. Oui! Mais tu peux patiner à l'intérieur. T'sais, moi, c'est l'extérieur que j'aime pas le sport. Mm. Pas les patins. Uh-huh. Bref, en fait, non, j'aime pas le sport, je me retiens. J'aime pas le sport. Ouais. Donc, on mélange les princesses de Disney qui font du rollerblade. Et voilà. Okay. Oui. Alors, on les voit un petit peu là, transformées, puis elles ont même un habit là, qui se mélange bien avec le sport. Petit léotard, petite jupette. Oui, c'est ça, mm-hmm. C'est ça. Et comme on peut voir, je me souviens pas de son nom. Rapunzel, réponse? Oui, réponse, c'est ça, réponse. Avec ses longs cheveux stressés. Ben oui, stressés. Tressés. T'as donc bien les cheveux stressés, toi. T'as donc bien les cheveux stressés. Écoutez, il voulait dire tressés. Tressés. Donc, c'est ça. Alors, c'est quand même... C'est joli. Et ils ont tous des surnoms en plus. T'as Braid Runner... pour Blade Runner, tu sais, genre. T'as Ne'er-do-Bell comme Ne'er-do-Well, mais à la place, c'est Belle. T'sais. Oui. C'est cute. Ah oui, quand même, hein? Ouais, beau petit t-shirt avec une rose dessus. Oui, magnifique. C'est beau, c'est cute. Ben, ça fait changement. Ça fait drôle de les voir habillés comme ça. On s'attend pas à ça du sport de la part des princesses de Disney. D'habitude, ils sont juste assis là, tu sais. Oui, c'est ça, à être belle et... Tais-toi. Voilà. Belle et tais-toi. Ben oui, c'est ça. Voilà. Ensuite, donc là, assez de Disney. Oh, hein, oui, ça va faire. Là, deux pour aujourd'hui, c'est en mars. Alors, passons à des bandes dessinées. Mm-hmm. Qu'en dis-tu? Ben, j'aimerais ça. Oui. Plutôt, dans le fond, des personnages de bandes dessinées. En fait, qui sont faits de façon à la emo, okay. Si on peut dire. Mm-hmm. Et qui ont l'air tout tristes, qui ont besoin d'un câlin. Oh, c'est super enfantin. On dirait une carte de souhait. Oui. Il est un Batman tout triste qui dit « Mes parents sont morts ». Oui. C'est la version « Je me tranche les veines ». Oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est beau. C'est cute. Cute. Spider-Man qui renifle sa mort sur son ex-copine, j'imagine. Oui. La belle... comment elle s'appelle? Non. Emma Stone, en tout cas. Oui, en tout cas, elle. Là. Ça, je me rappelle. Oui, c'est ça. Disons elle. Là. C'est la seule chose importante dans Spider-Man. Ouais. Écoute. Écoute. Hein? Écoute. Ensuite, tant qu'à être là-dedans, j'ai trouvé d'autres choses. Maintenant, parlons de vilains de bande dessinée. Des méchants. Des méchants, mais de Batman, disons. Dessinés en requin. En requin. OK, là, c'est rendu... OK, n'importe quoi. Oui, oui, je voyais venir, là. Là, on étire la sauce, là. Oui, transformé vas-y. En requin. Vas-y. OK. Non, mais je sais pas, il me semble pourquoi le lien est où entre un super-héros et un requin? Ben, il y en a pas. Il y en a pas. C'est ça l'idée, parce que là, on veut être original. Mais oui. OK. Oui. Je pourrais être sûr que je suive bien. OK. Je pensais, moi, que t'allais parler de Sharknado, puis tout ça. Sharktopus, oui. Ah oui, tous les films de sci-fi de bas étage. Oui. Mais non, là, c'est des super-héros qui pourraient sauver la ville, mais des en requins. Ça pourrait quasiment faire un film, j'avoue. Oui, oui, quand même. Hein? Mm-hmm. Oui. Alors, non, c'est ça, c'est juste drôle à regarder. Parce qu'on reconnaît quand même bien les méchants, là, les vilains. Two-Face, mettons, le pingouin. Le pingouin, le sphinx, la femme chat. Ouais, est-ce qu'il y a la chose de glace, là? Sûrement quelque part là-dedans. Hein? Le Joker. Non, tu sais, Arnaud, je pense. Il est pas là, Le Ice. Mr. Ice, Freeze, Mr. Freeze, voilà. Ah! Oh. Avec association, j'ai fini par l'avoir, mais je pense qu'il est pas là-dedans. Ouais. Mais ils sont jolis, ils ont tous une face. Ça pourrait faire. Ça fait. Peut-être pas Pixar, mais tu sais, ça pourrait faire un petit film là, avec des requins, là, comme Finding Nemo. Ah, ouais. Ah, je pensais que t'allais dire Sharky. Et Jean. On s'en fait pas les parents. Ouais, on connaissait juste Shark et Jean. C'est tout. Donc, les photos sont évidemment sur le site. Ben oui, tout à fait. Ensuite, pour finir, hein, parce qu'à un moment donné... C'est bien beau le plaisir, là. Ben oui, c'est ça, hein, oui. Faut que ça finisse. Que dirais-tu de mélanger quelque chose que... Ben non, en fait, non, pas... Non. Je recommence. Ouais. Pas mélanger. Que dirais-tu d'une application qui pourrait mettre ce que t'aimes le plus au monde dedans? Oui, dis-moi en plus. C'est très vague tout ça, mais... Ouais, qu'est-ce que t'aimes le plus au monde? Qu'est-ce que j'aime le plus au monde? Je sais pas, manger, jeux vidéo? Non. Gadget? Non. Non, je le trouverai jamais, je pense. Ton chat! Mon chat! Oh! Mon chat, bien sûr, Guécha! Qu'on salue! Oui! Comment est-ce que je pourrais mettre Guécha dans mon téléphone, c'est ça? Mais écoute, bon, là, je le sais, là, t'aimes pas ça, là, les selfies. Non, je déteste là, les selfies. Comme on appelle. Fait. Mais un selfie de chat! Ah, ben ça, c'est le fun. Hein? Ça, c'est cool! Le chat prendrait sa propre photo? Ben, avec ton aide. OK, un petit peu d'aide. Oui. OK, comment voilà. Ça? Bon, écoute, tu télécharges l'application. Mm-hmm. Puis là, quand t'es prêt, là, tu vas proche de ton chat. Oui. OK, tu rouvres l'application. Tu tapes sur l'épaule, ton chat? Ben, ouais, là, si tu veux. Genre? Hey, Et l'épaule, t'es là. Ça, c'est l'épaule, je sais pas. Bon, alors, tu rouvres l'application, et là, il y a comme un petit point rouge qui apparaît. Et... Fait que là, tu le fais regarder à ton chat, puis là, ça prend son attention. Oui. Puis à un moment donné, ton chat, il va, évidemment parce que c'est un chat, il va essayer de toucher le point rouge. Fait que là, aussitôt qu'il va toucher le point rouge, qu'est-ce que ses pattes vont toucher ça à l'écran? Ça va prendre une photo! Ah! Ben non, mais c'est pas le fun! Oui. Et c'est disponible en plus sur iPhone et Android. Exactement. Ah ben il nous faut ça. Et c'est malade. Il faut qu'on fasse ça et qu'on prenne une photo de Guécha. Oui, puis on va la mettre sur... On va la mettre sur Assemblage Requi. Sur Facebook et sur assemblagerequi.com. Oui. Ah, c'est magnifique. Donc, c'est des 4 selfies. On retrouve cette application-là sur l'App Store. Le lien sur assemblagerequi.com s'appelle 4 Snaps. Selfies for cats. Voilà. Magnifique. Merci, Marie-Ève Picard. De rien. Beau travail comme toujours. Merci. Nous, c'est tout pour le Mathieu Planchon. On se retrouve la semaine prochaine en direct les mercredis à 16h. En rappel, les samedis à 17h. Toutes les notes, les liens des balados de diffusion sur assemblagerequi.com. Encore une fois, merci, Marie-Ève Picard. De rien. On se retrouve la semaine prochaine. Passez une très, très, très, très belle semaine. Comme trop, là. Tu sais, comme too much overexcited de belle semaine, tu sais. Ah ouais. Prenez des selfies de chat. Gâtez-vous. Oui, puis envoyez-nous-les. Oui. On va les mettre. Facebook, cherchez le Mathieu Plante Show. À la semaine prochaine. Oui, yay. Yeah.